Chapitre 34e. Marc, en arrivant à Camelot, rencontra le contremaître des ardoisières qui venait le chercher pour régler les comptes des ouvriers, car c'était jour de paye. Marc fut retenu 2 heures à son bureau, et lorsqu'il en repartit, la nuit tombait. Il était habitué à parcourir la route à toutes les heures et par tous les temps. L'état de son esprit lui fait trouver ce soir-là une apparence sinistre à tout ce qui l'entoure. Il s'étonne de ne pas apercevoir une lumière aux fenêtres de sa maison, dont l'aspect lugubre l'épouvante. Il met pied à terre, attache son cheval à la grille, puis tourne derrière le logis pour chercher la clé sous une certaine pierre où Mariette a l'habitude de la cacher quand elle sort. Il traverse à pas lents le jardin, le perron et entre. Partout le silence, partout l'obscurité. Marc allume une bougie et ouvre la porte de la cuisine. Rien n'indique qu'on y soit venu depuis longtemps. Il semble qu'il n'y ait personne dans la maison. Une odeur de moisissure y domine. Marc franchit lentement les marches de l'escalier, pénètre dans le salon et de là, dans la chambre à coucher, où, dans un pan coupé, se creuse l'alcôve. Sur le lit, recouvert d'une courte pointe blanche, est étendue Madame Maurice revêtue du costume noir qu'elle portait à Penrith Place. « Mariette !» s'écrie Marc en saisissant la main qui retombe inerte. Mais à ce contact glacé, il tressaille d'horreur. Il approche la lumière du visage de Mariette. Pas un souffle ne s'échappe de ses lèvres livides. La mort lui a fait subir la dernière et terrible transformation. Tout près d'elle est posée sur une table la petite fiole qui sans doute a provoqué l'éternel sommeil. « Que faire ?» s'écria Marc, la tête cachée dans ses deux mains, en tombant affaissé sur un fauteuil au pied du lit. « Il n'y a pas à hésiter, pense-t-il. Il faut avoir le courage d'aller apprendre à Didcot le dénouement du drame dont il a vu la première scène à Penrith Place. » Il laisse sur la table 2 bougies allumées, descend l'escalier, ferme la maison, monte à cheval et franchit au galop la distance qui sépare le cottage de Sainte-Colombe de la maison habitée par Didcot. « Je ne comptais pas vous voir ce soir, » dit le docteur à Marc en le voyant entrer. « Votre frère serait-il repris d'une nouvelle crise ?»« Ce n'est pas pour lui que je viens vous chercher, mais votre présence est urgente au cottage. Il n'y a pas un instant à perdre, » dit-Cott. « Je vais prévenir tante Julie et je compte sur vous. À bientôt. » Après avoir prononcé ces mots, il disparaît. « Il faut avouer que le moment est tout à fait inopportun, » dit Didcot à sa femme. « Il se fait tard, je n'ai pas soupé, et j'ai passé la nuit près du Squire. » Néanmoins, le docteur se met promptement en route. En arrivant au cottage, il trouva Marc sur le perron. « De qui s'agit-il ? » demanda le docteur. « Est-ce grave ?»« Mariette est morte, elle s'est empoisonnée. Oh mon Dieu !»« Je suis résolu à vous dire toute la vérité. Nous étions mariés. Il y a longtemps que je m'en doute. » Mais ce dont vous ne vous doutez pas, c'est que lorsque ma sœur a renvoyé sa femme de chambre il y a 6 mois, Mariette a voulu entrer au service de Prissy, sous un faux nom, et j'ai eu l'insigne faiblesse de céder à cette étrange fantaisie. C'était donc elle, Madame Maurice. Ah, je comprends maintenant pourquoi elle ne voulait jamais me regarder en face. À quoi attribuer ce suicide? Elle a voulu se faire justice à elle-même, après avoir tenté d'empoisonner Vivien. Ah, mon cher Marc, de quel poids me décharge cet aveu? « Mais qui donc soupçonniez-vous ? » dit Marc en relevant la tête avec une noble fierté. « Plus personne, je vous le jure !» dit Didcot en lui tendant la main. « Je vais avoir à faire une enquête. Ne peut-on l'éviter ? Je ne le pense pas. Il vaut mieux agir franchement. À votre place, j'avouerai à Vivien ce qui en est. S'il l'apprend par une autre voie, ce sera un grief de plus contre vous. Mon frère ne me pardonnera jamais le sot mariage que j'ai fait. Qui sait ? « Votre franchise ne peut manquer d'être un titre à son indulgence. » Didcot prit avec Marc les mesures relatives à l'enquête. Un jury composé de 12 notables de Camelot, qui avaient tous connu l'ancienne servante de l'auberge des armes du roi, commença par constater son identité. Marc déclara que Mariette et lui étaient mariés depuis longtemps, mais qu'il n'avait pas avoué ce mariage, parce que Vivien ne lui aurait jamais pardonné cette mésalliance. M. Didcot déclara que Mariette était morte depuis 10 heures lorsqu'il était arrivé. Il attribua la mort à l'effet d'un narcotique pris sans doute par imprudence à trop forte dose. À l'unanimité, le jury se rallia à cette opinion. Marc respira plus librement quand cette grave affaire fut terminée. Ses anciens amis lui serrèrent fortement la main en lui adressant les compliments de condoléances les plus sympathiques. Il fut convenu, pour éviter le scandale, que Marc suivrait le convoi en voiture avec Didcot. C'était un dernier, mais cruel démenti aux conjectures de l'opinion publique. La cérémonie funèbre terminée, Marc s'empressa de se rendre près de son frère, bien résolu à lui dévoiler enfin le mystère de sa vie. « Je vois, mon cher Vivien, que vous allez de mieux en mieux, » lui dit-il. « C'est aussi votre avis, n'est-il pas vrai, Barbara ?»« Je suis convaincu que d'ici très peu de jours, Vivien pourra faire une promenade en voiture, soit en poney-chaise, soit en landau. « Lequel préférez-vous, Vivien ?» demanda Barbara à son mari avec une sollicitude charmante. « Cela m'est absolument indifférent, » répondit le malade d'un ton froid et presque brusque. « Mais d'où venez-vous » demande-t-il à Marc. « Pourquoi ne vous a-t-on pas vu hier soir ?»« C'est une triste histoire, mon frère. Mais si vous voulez bien me prêter un peu d'attention, je suis prêt à vous la raconter. » Barbara se lève instinctivement, serrant sa broderie dans un panier à ouvrage. « Je ne veux pas être indiscrète, et je me retire. Dès que vous aurez achevé, Marc, vous m'appellerez. » Marc s'assit dans le fauteuil abandonné par Barbara et commença ainsi. « Quelle satisfaction pour vous, Vivien, de savoir que vous n'avez pas de maladie de cœur, et que le médecin sait aujourd'hui qu'il a été le premier trompé. « Quelle satisfaction !» reprit Vivien sur le ton de l'ironie. « Quelle satisfaction de se savoir en butte dans sa maison aux complots les plus criminels. Quelle satisfaction de chercher le traître parmi ceux qui vous entourent. Ah, mon cher, quelle satisfaction !»« Vivien, je viens d'apprendre quel est le coupable qui a voulu attenter à vos jours. Didcot le sait aussi. C'était ma femme. « Votre femme, mais quelle femme ?» Marc ne lui fait pas grâce d'un seul anneau de la longue et lourde chaîne qu'il traînait depuis tantôt 15 ans et qui s'était si tragiquement rompu. Le visage de Vivien semblait s'éclairer à mesure que la douloureuse narration se déroulait. « Juste ciel !» s'écria-t-il. « Comment ai-je pu soupçonner la meilleure et la plus dévouée des femmes ?»« Oh, Vivien, votre femme est un ange !» Mais me pardonnerez-vous ma complicité inconsciente dans cette tentative criminelle? Me pardonnerez-vous jamais de vous avoir trompé dans la gestion des ardoisières pendant les premières années de mon administration? Ah, Marc, il est des choses qui valent mieux que l'argent. Barbara! S'écria-t-il en ouvrant la porte du salon où elle s'était réfugiée. Ma femme bien-aimée! Lui dit-il en lui tendant les deux bras. Je sais tout, c'est moi qui implore votre pardon. Elle ne répondit pas un mot et tomba évanouie entre les bras que lui tendait Vivien. Une demi-heure après, il avait appris des lèvres de Barbara un secret si rassurant et si doux que le cauchemar pénible du passé disparaissait devant un rêve d'avenir qui promettait de donner un nouveau rejeton à l'antique branche des Penrith.